Alors, donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Manon Scotto. Donc, je vous présente aujourd'hui l'état d'avancement d'une thèse en architecture qui a été commencée en janvier 2017 sous la direction de Catherine Momy, ici présente, avec un contrat doctoral du ministère de la Culture et donc au sein du laboratoire MHA-EVT, métier de l'histoire de l'architecture, édifices, villes et territoires. Je vous la présente aujourd'hui sous le titre « La réinterrogation du concept de trame en architecture par le processus d'industrialisation du bâtiment en France des années 1950 à 1980 ». Pour commencer, une introduction un petit peu généraliste. Selon Kingsburg, le rythme est le fondement même du langage architectural en tant que mode de composition dynamique de l'architecture et qui est caractérisé par sa permanence au fil de l'histoire de la conception architecturale et qui s'accomplit notamment au travers le concept de trame. Donc, nous partons du fondement que la trame est utilisée depuis toujours par les architectes pour composer un édifice. Le XXe siècle étant porteur de beaucoup d'enjeux de sérialité et de production industrielle, il a été particulièrement riche en termes de production de pensée sur la trame, notamment pour ses avantages, nous le verrons plus tard, à la fois plastique, fonctionnel et constructif. Donc ces différentes caractéristiques soulèvent le caractère complexe de l'outil de trame en architecture, qui repose à la fois sur des notions d'immatérialité et de matérialité par la construction notamment. Ici, avec ce travail, ce n'est donc pas tant l'emploi des trames en elles-mêmes qu'il est question de justifier, mais plutôt l'usage des concepts opératoires qu'elles permettent de révéler. Donc, en analysant les différentes périodes de l'histoire de l'architecture où la trame a joué un rôle déterminant dans la conception, celle de l'industrialisation paraît particulièrement intéressante. En effet, l'industrialisation est un processus de fabrication de l'architecture observé dès les années 1920, où en fait le processus vise à industrialiser le bâtiment par une réduction des coûts de revient de la construction, sa rationalisation maximale, et où les procédés mis en place sont ceux d'éléments standardisés et ou préfabriqués de manière générale, d'une main-d'œuvre et donc d'un chantier plus économique. Et donc ce processus particulier d'industrialisation de la construction nous a ainsi amené à préciser le cadre de cette thèse d'un point de vue à la fois, nous allons voir, typologique, temporel et géographique. L'industrialisation de la construction est majoritairement questionnée dans les publications en architecture sous l'angle du logement collectif. Ce constat a donc révélé à travers nos propres lectures, un point qu'il était donc essentiel d'interroger, c'était la typologie de la maison individuelle, cette fois-ci, et qui a été moins mobilisée dans l'ensemble par les études portant sur l'industrialisation du bâtiment, mais que nous considérons indispensable pour une compréhension plus complexe et plus globale de ce phénomène au cours de cette période et pour des problématiques liées à l'habitat d'une manière plus générale. Par ailleurs, la typologie de la maison individuelle a permis une certaine innovation en termes de pensée de l'architecture, et notamment au travers de matériaux utilisés donc, dans la construction des maisons individuelles, que peuvent être l'acier ou le bois, et où l'on dépasse l'emploi du béton, particulièrement utilisé cette fois-ci dans la production du logement collectif. Enfin, la maison industrialisable, ou industrialisée, incarne une typologie qui questionne des concepteurs emblématiques de cette période, notamment Georges Candilis, Jean Prouvé, Marcel Lodz, les architectes de l'AEA, et qui donc constitue à ce titre un objet d'étude et une typologie particulière que nous trouvons intéressante de questionner au travers de cette thèse. Maintenant, pour vous parler du cadrage temporel, le choix typologique de la maison individuelle a permis de préciser le cadre temporel de cette thèse, qui est pour l'instant cadré par les dates de 1964 et 1979, que je vais expliciter juste après. Juste pour préciser que bien que ce soit cette période qui nous intéresse plus particulièrement, ce travail se doit d'être mis rapidement en perspective avec une période antérieure et une période postérieure afin de comprendre plus particulièrement les enjeux qui s'en dégagent. Donc, je ne sais pas si la frise est très visible, mais la période qui précède, donc celle de notre cadre de thèse, s'inscrit dans un contexte de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, où les enjeux majoritaires sont la production de logements de masse, avec donc une production de logements collectifs et dits de grand ensemble, majoritairement axée sur une industrialisation lourde qui fait particulièrement appel aux matériaux béton. On peut notamment le voir avec les déclarations du ministre Claudius Petit en 1949 ou la législation pour les HLM en 1958, qui sont des enjeux encore un petit peu différents de ceux que nous soulevons avec notre période étudiée. Et celle-ci, je me permettrai de citer l'ouvrage Ensemble urbain, 1940-1977, Les ressorts de l'innovation constructive, donc sous la direction de Guy Lambert et Valérie Nègre. Je cite: la construction se trouve relancée par la combinaison de l'intervention publique et de l'initiative privée, qui est désormais de plus en plus importante, et l'individuel concurrence progressivement le collectif. Entre 1967 et 1974, la recherche de la qualité prévaut de plus en plus à cette période-là. Je cite également dans cet ouvrage Yvan Delemonté, je cite: si la politique du logement de masse a marginalisé un temps l'habitat individuel, l'ère des villages expo marque son retour triomphal. Donc maintenant je peux revenir sur pourquoi 1964. Effectivement, ça marque l'année d'un concours sur l'État sur l'habitat individuel en région parisienne, qui sera le premier d'une série de concours ministériels pour la production de maisons industrialisées, individuelles. Donc on va retrouver en 64 ce concours-là, le concours Village Expo, toujours par le ministère en 1966, le concours international de la maison individuelle en 1969, et après différents groupes de travaux qui seront plébiscités par le plan construction dans les années 70. Par ailleurs, le fait qu'il y ait mai 68 dans ce contexte historique va engranger de nombreuses revendications sociales de qualité de l'habitat, un terme qui était quasiment tabou au sein du ministère de la Reconstruction à un certain moment, et qui donc affirme la nécessité pour des architectes de se poser des questions quant à la conception de cette typologie de maison individuelle. Enfin, la fin de notre période d'études pour cette thèse sera marquée par l'année 1979, qui correspond au second choc pétrolier et qui engage avec lui d'autres problématiques que sont les enjeux écologiques, les enjeux d'innovation liés à l'informatique et plus particulièrement donc à l'équipement de l'habitat plutôt qu'aux innovations constructives en elles-mêmes. Il suffit notamment de se référer aux intitulés et aux consignes des programmes architecture nouvelle qui, dans les années 70, donc en 73 notamment, parlent plutôt d'innovation sur les combinatoires, les principes proliférants, les trames, et qui, dans les années 80, on a une transgression vers des problématiques qui sont celles de l'équipement, à la fois urbain, des édifices publics, et après, plus tard, dans la fin des années 80, notamment 1987, sur des technologies intégrées à l'habitat, où là, on parle véritablement de thermique, de rangement, de stockage dans les logements, et qui s'éloigne un petit peu de ce vers quoi veut se centrer cette thèse, qui sont les innovations constructives. Le cadrage géographique, enfin, pour terminer avec le cas de cette thèse, il est celui de la France métropolitaine et des dom-toms, pour deux raisons principales. D'une part, de façon tout à fait pragmatique, il a été question de poser des limites un sujet qui, certes, est contextualisé avec les autres pays européens ou les États-Unis qui se sont préoccupés de ces questions d'industrialisation de l'habitat, mais qui serait donc trop vaste dans le cadre de cette thèse, et qui se justifie également par une volonté de ce travail de recherche de lier les enjeux politiques, économiques et sociaux de la France à cette période précise avec la conception architecturale. Donc il était question de prendre en compte un contexte particulier avec ses spécificités, donc le cas français, qu'elle soit politique ou autre. Le travail d'état de l'art qui a donc été mené pour cette recherche a globalement permis d'identifier un manque de connaissances qui traite en profondeur de l'impact du contexte politique et économique particulier de la France sur la conception architecturale et plus particulièrement sur l'outil conceptuel de la trame. Et c'est dans ce contexte que la thèse s'inscrit et apporte par un regard croisé de nouvelles connaissances sur le sujet. La problématique de cette recherche s'inscrit alors dans cette logique, se formulant ainsi: dans quelle mesure les enjeux politiques, économiques et techniques de l'industrialisation de la construction ont-ils influencé l'évolution de la fonction des trames comme outil conceptuel de l'architecte? Pour revenir un peu plus particulièrement, pour vous éclairer sur les notions qui sont mobilisées ici, les enjeux économiques sont ceux donc d'un contexte d'après-guerre, de reconstruction, où on a l'obligation et la volonté d'avoir une rapidité d'exécution, une production en série et une main-d'œuvre donc moins chère de la part des constructeurs. Les enjeux politiques, qui sont le poids des ministères et des décisions étatiques sur les innovations architecturales et constructives de cette période. Et les enjeux techniques, qui sont particulièrement liés aux industriels de cette période-là et au poids qu'ils peuvent avoir et à vraiment l'adaptation de la production architecturale face à ces nouvelles techniques industrielles. Donc, avec ces premières notions, j'amène deux définitions pour le travail de cette thèse que j'ai dû formuler et que je vous présente aussi aujourd'hui. Donc, on entend par outils conceptuels les éléments mobilisables par l'architecte pour penser, dessiner et construire le projet architectural. Donc, je sous-entends un outil capable d'aborder les différentes phases d'un projet. Et avec cela, la notion de trame, qui est définie ici aujourd'hui, outil de l'architecte permettant de maîtriser tout à la fois les caractéristiques esthétiques, économiques et techniques de la construction, et donc on considère comme à la croisée des domaines qui interviennent dans la mise en place globale d'un projet d'architecture. Donc de cette problématique, je vous présente aujourd'hui mon hypothèse générale, qui est que la trame incarne dans ce moment charnière de l'évolution de la construction, de la conception, pardon, un moyen pour les architectes de conserver un certain poids auprès à la fois des industriels, des constructeurs et des politiques par cette capacité qu'il a à constituer un outil qui est à la fois conceptuel, technique et constructif. Donc selon nous, l'architecte trouve avec ses trames un outil qui permet de maîtriser à la fois l'art et la technique, ce qui constitue selon nous une quête depuis toujours de l'architecte sans cesse tiraillé entre son rôle d'artiste et de technicien. Cette hypothèse générale se décline donc en trois sous-hypothèses que je vous présente brièvement. Hypothèse A, le poids de l'industrie et l'incitation forte de l'État à recourir à l'industrialisation du bâtiment vont induire le passage d'une conception du projet essentiellement centrée sur la composition du plan à une pensée du projet pour et par sa réalité constructive, notamment par le biais des assemblages. Donc, globalement, au-delà de penser la composition, l'architecte pense la construction à l'aide des trames. Je citerai l'auteur Jean Zeitoun dans son ouvrage « Trame plane, introduction à une étude architecturale des trames ». Je cite « Aujourd'hui, en effet, trame et tracé servent davantage à concrétiser l'objet et à lui donner une réalité constructive à travers un guide morphologique. Au contraire, dans l'architecture pré-industrielle, la valeur symbolique de la décomposition de l'espace, si elle correspondait à des principes constructifs, n'en affirmait pas moins une certaine désolidarisation vis-à-vis du construit. » Cela nous a amené à formuler une sous-hypothèse qui est la suivante, donc hypothèse B. Ce phénomène d'industrialisation de du bâtiment par l'architecture modulaire qu'il convoque opère le passage d'une conception que l'on pourrait qualifier de planaire à une conception spatiale du projet architectural et notamment à travers le développement des trames dites tridimensionnelles. Donc, au-delà de penser le plan, l'architecte pense l'espace à l'aide des trames. Je cite toujours Jean Zeitoun du même ouvrage. Le plus souvent, le concepteur travaille dans le plan de la composition, c'est-à-dire un espace en deux dimensions. Dans le cas où le concepteur travaille sur une trame tridimensionnelle, il fait appel généralement à des considérations constructives et technologiques. La tridimensionnalité est alors indissociable de la stabilité économique et constructive. Pour enfin arriver à notre sous-hypothèse C, selon laquelle la notion de trame, qui était auparavant essentiellement comprise comme une grille avec un usage en deux dimensions et qui portait des fonctions essentiellement esthétique et compositionnelle, évolue avec le phénomène d'industrialisation vers la notion de trame utilisée comme un système, c'est-à-dire capable de revêtir les différents rôles dont nous avons parlé précédemment, qui sont la composition la fonction et la construction, et donc d'aborder les différentes logiques que mettent en place un projet, que ce soit esthétique, spatial ou technique. Donc ici, nous définissons le système comme une réponse simultanée aux exigences plastiques de l'architecte, aux contraintes économiques du maître d'ouvrage, aux capacités techniques de l'entrepreneur et aux demandes de confort des usagers, garantissant la cohérence d'une réalisation. Donc, dans le but d'un peu illustrer ces hypothèses théoriques que je mobilise ici, je vais appuyer mes propos sur l'un des cas d'études que j'ai choisi pour cette thèse, qui est le système industriel EXN, conçu par l'architecte Fabien Vienne en 1974. Donc, il s'agit d'un système modulaire et constructif en bois qui met en place une série d'éléments industrialisés combinables entre eux et qui a permis la construction de plusieurs centaines de maisons individuelles sur l'île de La Réunion. Ce projet lui-même issu, je vais vous l'expliquer, d'un système appelé Trigone, qui a été créé en 1960. Donc ici, nous essayons d'illustrer le passage d'une conception basée sur la composition à celle basée sur la construction, avec un focus sur la notion d'assemblage. Donc selon l'architecte Fabien Vienne, une industrialisation réussie du logement passe par la juste connexion entre les éléments préfabriqués et donc prend une place particulière dans la conception de ces projets via les systèmes qu'il met en place pour chacun de ces projets. Depuis toujours, il tient donc ce discours. Et ici, on le voit illustré en fait sur votre droite par un article publié par Technique et Architecture en 1967 sous ce système Trigone, et qui décrit le système en disant, je cite, « Il est question de chercher des modes d'assemblage élémentaires à la portée de la quasi-totalité des usagers et de les exprimer plastiquement de la façon qui leur sera la plus familière. » Donc, pour vous parler plus particulièrement du cas d'étude dont je vous parlais précédemment, le projet EXN, donc les commandes de ce projet sont particulières. Il s'agit d'une commande d'un constructeur de maisons en bois, Maurice Thomy, alors leader du logement social à La Réunion. Ce dernier impose, alors vous voyez les photos à gauche, l'usage de ses stocks en bois, de ses machines, de ses ouvriers. Donc là, il y a bien une commande spécifique qui oblige à penser le module et qui oblige à penser l'assemblage et la construction dès le départ du projet, notamment par le fait que ce soit un matériau bois, que ça nécessite donc un montage à sec, et où l'association dès l'origine d'un projet, d'un constructeur et d'un architecte va favoriser une pensée constructive du projet. Donc un des enjeux de XN est de reposer sur un principe de mécano, donc avec des avantages qui sont un montage rapide, simple et avec peu de main-d'œuvre, cela ayant des impacts économiques, nous l'avons vu, donc moins de main-d'œuvre, donc moins de frais associés à un montage sur place, et aussi des impacts sociaux, où en fait il est question ici de transmettre des savoir-faire à la population réunionnaise et donc une quasi-autoconstruction de ces maisons pour la population. On le voit ici, ce sont des plaquettes de diffusion du projet EXN, donc c'est comme ça qu'il est communiqué à la fois aux constructeurs et au public. Et on voit qu'il met particulièrement en avant, là, ici vous avez la page de garde, ce nœud d'assemblage. Donc l'innovation l'innovation qui est portée par l'architecte ici est véritablement sur des questions d'assemblage et de construction. Maintenant, pour parler de cette conception que l'on qualifie de planaire à une conception dans l'espace, on mobilise la notion de tridimensionnalité. Donc, vous le voyez en fait ici, le système Trigone, qui est l'ancêtre de XN, donc le premier projet, en fait, si vous voulez, conçu en 1960, est un système qui repose sur l'exploitation maximale d'une figure géométrique pour créer une qualité d'espace dans les toitures. Donc, cette figure géométrique, c'est un dodécaèdre rhombique, pour les curieux, et qui en fait permet à la fois d'avoir des formes, des hauteurs et des volumes particulièrement adaptables et modulables à souhait. Donc véritablement appuyer l'innovation dans l'espace d'une architecture sur ses capacités en volume, et pour en faire non pas une production qui est figée, mais un véritable système industriable, toujours pour citer l'article de Technique et Architecture. Et donc en fait, la volonté de l'architecte sera véritablement de permettre différents volumes habitables pour une même emprise au sol. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une production architecturale qui est variée, notamment par les toitures qui sont permises, et donc les volumes, tout en se calant sur une trame carrée et donc sur des plans qui sont tout à fait similaires. Donc si avec les trames carrées, l'architecte prend en considération des plans en deux dimensions, il va plus loin en exploitant une réflexion qui est sur les surfaces, avec les panneaux préfabriqués, avec les éléments qui sont poteaux-poutres par exemple, et va encore plus loin avec celle des volumes grâce à cette attention particulière qui est portée aux possibilités offertes par les toitures comme espace de qualité. Donc le credo de l'architecte est alors véritablement de concevoir une architecture par la ligne, la surface et le volume. Pour arriver du coup par un enchaînement assez logique intellectuellement à cette idée de multifonctionnalité, c'est-à-dire d'une trame qui passe de la notion de grille à la notion de système. Donc on voit ici, vous avez les deux planches qui sont sur votre gauche, qui sont les planches qui ont été présentées pour le brevet du système Trigone en 1960, et où on voit bien que l'attention est aussi bien portée sur des rapports géométriques, sur la considération donc en plan, que par celle des volumes, de la structure, voire des détails techniques et des assemblages particuliers. Donc en fait, ici on observe une trame carrée qui est mise en perspective sur la présentation et qui constitue un module de base et qui est tout, dès le départ considéré aussi en volume et donc en construction. Ici, on assiste bien à une considération simultanée des différentes dimensions sollicitées par la conception architecturale et donc une trame interrogée selon nous comme un système. Ici, encore une fois, sur les planches que je vous présente, qui parlent du projet EXN, vous avez une attention toute particulière aux différents nœuds d'assemblage qui sont mis en place pour permettre toute cette variété de volume. Donc, selon l'architecte, c'est vraiment le détail d'assemblage et de construction qui permet toutes ces variabilités et donc une industrialisation qui est bien plus ouverte et moins figée. Ainsi, l'architecte Fabien Vienne, tout au long de sa carrière, a fait évoluer l'outil de trame vers celui de système dont nous vous parlons aujourd'hui, pour justement aborder ces différents domaines de la fabrication d'architecture qui passent par des rapports harmoniques, par des tracés régulateurs, qui passent par la conception de panneaux et aussi par des enjeux plus constructifs avec ici les nœuds d'assemblage. Donc pour comprendre cette complexité qui est mobilisée ici et dont l'objet est l'architecture, il est question de solliciter une grande variété de matériaux qui peuvent être des documents écrits, des documents graphiques ou l'édifice bâti en lui-même. Et afin de construire notre corpus de recherche, donc nous appuyons d'une part sur un dépouillement des revues d'architecture qui couvrent la période allant de 1940 à 1980 globalement, et qui en fait constitue le véritable catalogue de la production architecturale de cette période et qui présente à la fois donc, des lauréats de projets de concours du ministère pour la production de maisons industrialisées et des écrits manifestes de grands noms de cette époque, nous l'avons dit, Lodz, Prouvé. Et ce type de matériau nous permet notamment de comprendre comment sont communiqués les projets et comment ils sont portés par des politiques et le discours qui les accompagne. D'autre part, il est question d'établir un dépouillement d'archives, d'architectes, dont les documents que nous analysons sont à la fois donc, des documents graphiques qui peuvent aller de la phase d'esquisse au plan, aux coupes ou même aux documents techniques, mais également des écrits qui peuvent être donc des courriers, des dépôts de brevets, des articles de revue, des comptes rendus de chantier. Et en fait, croiser l'étude de ces deux types de matériaux, à la fois les archives et à la fois les revues, nous permet aussi d'essayer de comprendre comment à une même époque, certains projets sont mis en lumière, notamment par les politiques, quand d'autres restent marginaux dans leur production et donc restent à l'état de projets de papier ou bien de prototypes. Donc, s'il est question ici d'analyser les dispositifs architecturaux qui démarrent d'une conception qui est dessinée, qui vont jusqu'à la construction, je dois forcer de constater, je suis un peu forcée de constater, qu'une grande partie de ces projets de maisons préfabriquées de cette époque sont restés à l'état de prototypes et non produits à une échelle industrielle. Et donc, bien qu'ayant identifié d'autres cas d'études potentiels que Fabien Vienne, dont je vous ai parlé, notamment Jean Prouvé, qui mobilise des notions comme trame en trois dimensions ou série et modulation volumétrique, dont il parle dans ses cours du CNAM notamment. Cela met en lumière l'important travail de dépouillement de revues et d'archives que je suis actuellement en train de faire pour constituer ce corpus. Donc, enfin, pour conclure, il est question ici d'étudier des conceptions architecturales qui font le choix d'explorer ce potentiel offert par l'industrialisation. Donc, d'une part, ce travail questionne la mission de l'architecte, notamment vis-à-vis des constructeurs, et d'autre part, l'évolution de sa pratique dans un contexte indéniable où les enjeux économiques et industriels sont essentiels. Donc ici, l'entrée par la trame nous permet pertinente parce qu'elle permet de croiser à la fois les enjeux de la conception architecturale avec des impératifs constructifs et donc d'interroger un processus de fabrication de l'architecture dans son entier. Et donc, nous estimons que dans un contexte actuel où la voix d'un architecte est parfois étouffée par celle des entrepreneurs, des promoteurs, des grands groupes industriels, ce sujet re-questionne la portée créatrice et le poids que peut avoir un architecte face au mode de production. Donc, nous soulevons ici une réactualisation de l'outil de trame par ce phénomène d'industrialisation et son évolution vers la notion plus complexe de trame en tant que système. Et donc, nous cherchons à montrer que l'innovation technique nourrit véritablement l'innovation de la conception en architecture. Et cette réflexion fait notamment naître une ouverture sur d'autres sujets, comme par exemple l'informatisation, qui est aujourd'hui admise comme une base de la profession et qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Et nous trouvons qu'en cela, ce travail de recherche qui est à la fois historique et analytique témoigne d'une certaine actualité dans ce qu'elle réinterroge les outils conceptuels de l'architecte. Je vous remercie. Merci Manon, la parole est à la salle. Oh pardon, oui, priorité à notre invité. Je rappelle s'il vous plaît. Première réaction. Ce qui est très frappant, c'est que vous prenez grand soin de délimiter soigneusement la période objet de votre étude, de cerner aussi précisément que possible l'objet de votre travail de thèse, et en même temps on a le sentiment, enfin j'ai eu le sentiment en vous écoutant, que vous vous saisissiez d'un ensemble de très grands sujets, tous plus difficiles et étonnants les uns que les autres. J'en donnerai trois exemples. Je pense que vous avez parfaitement raison de situer un système de commande d'architecture à grande échelle par rapport au discours des politiques. En même temps, le discours des politiques demande d'être considéré avec une certaine circonspection, puisqu'il n'est pas très difficile de montrer, je vous dirai quelque chose en aparté tout à l'heure, que le discours public est d'une grande constance dans le temps, je dirais même d'une grande immobilité dans le temps. Ce ne sont pas les politiques qui bougent, c'est la société. Il faut toujours se rappeler ça. Donc il y a toujours un risque de déconnexion. Vous parlez d'autre part des pratiques de l'industrie, et je trouve que vous avez absolument raison. Évidemment, votre sujet l'appelle particulièrement, mais je dirais au sujet de l'industrie presque le contraire de ce que je dis au sujet des politiques, c'est-à-dire que l'industrie, elle est souvent très en avance. J'en donnerai un exemple. La question qui occupe beaucoup les architectes aujourd'hui du Building Information Modeling, le fameux BIM, cette question, elle est posée par l'industrie dans les années 60. Donc l'architecture a en gros sur ces sujets-là 50 ans de retard par rapport à l'industrie. Et enfin, en matière de conception architecturale, évidemment que votre sujet vous oblige à vous intéresser à tout cet univers qui s'interroge sur les géométries constructives, sur la morphologie structurale, qui sont à cette époque-là, et en tout cas pour certains architectes, une véritable obsession. Mais c'est une obsession parce qu'elle est paradoxale, c'est-à-dire que tout l'intérêt des approches en morphologie structurale consiste à se demander de quelle transformation une forme donnée est capable, alors qu'on a affaire in fine à des objets immobiles et non destinés à la transformation. Donc vous êtes au carrefour de trois problèmes absolument majeurs. Je comprends du coup le soin que vous mettez à voilà, essayer de cerner par la périodisation et par le choix des exemples votre propos. C'est tout à votre honneur. Hein. Tout à votre honneur. Et évidemment que l'intérêt de la thèse viendra en grande partie de la profondeur des enjeux de votre travail. Je l'espère. Non, je pense que vous avez bien résumé alors à la fois les enjeux, et je vais le reconnaître, les difficultés de cette recherche, mais qui fait que ce sujet est pour moi passionnant, c'est que justement il est à la croisée d'enjeux dont chacun pourrait faire une thèse en fait, c'est-à-dire le poids, voilà, c'est ce que vous venez de dire, qui sont le poids des politiques, des industries et d'une évolution des questions sociétales et des envies d'une population. Et c'est vrai que c'était un peu l'enjeu de cette thèse, de croiser des enjeux qui, selon moi, sont indissociables en fait à l'évolution de la maison individuelle à cette période-là. Et effectivement, en fait, vous avez bien compris qu'avec mon cadrage à la fois donc typologique, temporel et géographique, c'est ce qui me permet, me permettra de cibler assez pour pouvoir suffisamment maîtriser les éléments économiques, politiques et sociaux de cette période qui, déjà rien que pour cette période-là et le cas de la France, sont extrêmement complexes à saisir, et notamment des discours politiques qui sont, je pense, complexes à mobiliser, et notamment parce qu'il y a aussi le discours des politiques, mais aussi celui des architectes. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est également des notions qui sont assez complexes dans les publications, dans les revues, entre le discours de l'architecte qu'il tient en tant que voilà que comment on pourrait dire ça, voilà, que des architectes un peu phares de cette période, et l'écart avec leur production effective, là aussi il y a une grande difficulté, un grand écart entre le discours qu'ils tiennent et leur production réelle. Et donc effectivement les enjeux sont majeurs, et c'est le cadrage assez précis qui m'aidera à répondre. Alors, si vous me permettez, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a de votre part une tentative d'évaluation des productions de l'époque ? Donc, j'entends ma directrice de thèse rigoler. Et c'est la définition de critères pour éventuellement évaluer la production architecturale de cette période-là me demande un travail énorme actuellement de dépouillement complet des revues de cette époque-là, et surtout puisque je me rends compte que dans ce qui est publié et ce qui est communiqué des projets lauréats des concours du ministère de cette période-là, la trame est sans cesse mobilisée mais comme un sous-cul évident au projet d'industrialisation, et comme un quadrillage, mais qui n'est presque plus exploité pour des qualités qui sont réelles et qui peuvent dépasser celles qui sont utilisées par la plupart des architectes à ce moment-là. Et donc, c'est là où la définition des critères est actuellement en cours, et pour l'instant repose justement sur des architectes qui seraient allés plus loin que la trame en tant que grille du plan, où on a tous vu des plans de maisons ou de bâtiments industrialisés qui reposent sur une trame carrée de temps par temps, mais qui vont au-delà de ça pour essayer de l'exploiter, je le disais, en volume et donc avec plusieurs usages, notamment au travers de la construction. Et donc, effectivement, dans ces critères, il y a ça, utiliser la trame comme système plus global. Il y a également l'innovation constructive. Là aussi, c'est un peu délicat de vraiment comprendre les propos, puisque je suis en train de voir que ce que les politiques ont considéré comme innovation constructive à une certaine époque ont mis en lumière des projets qui, finalement, dans la réalisation, se sont trouvés être des échecs. Donc déjà comprendre pourquoi ce qui a été porté par des politiques et des industriels est resté à l'état de prototype ou de projet dessiné, et pourquoi certains qui ont été bien moins soutenus et plébiscités ont cette fois-ci auraient eu des potentiels bien plus effectifs en fait que ceux qui ont été parfois soutenus par les politiques. Donc c'est là aussi où j'essaie de comprendre quels sont effectivement ces critères d'évaluation d'un projet industrialisé de maison, et qui fait que je me suis appuyée sur cet exemple de Ixen, puisqu'il a permis la production de centaines voire de milliers de maisons sur l'île de La Réunion, et où là on a une production qui est effective en fait, et où on a une vraie réalisation. Là aussi ça soulève d'autres questions, dans le sens où est-ce qu'il faut forcément que mes cas d'études soient des productions industrielles réussies, ou est-ce que justement comprendre pourquoi certains ont été des échecs, là aussi c'est toute la question de mon corpus d'études que je suis en train de mettre en place, donc qui me donne du fil à retordre. Oui. Merci. Oui. Oui, moi j'ai une petite question, mais je vais reprendre un énorme compliment, parce que toute la présentation était vraiment très claire, elle est très comme il faut, c'est-à-dire qu'on présente un contexte, c'est le cas tout d'abord de fils, on ne peut pas te reprocher d'aller ailleurs, ça commence comme ça, avec la répétition, et puis tu nous poses une problématique que je trouve très bien étayée, c'est-à-dire tu nous proposes des définitions, là aussi très limitatives pour le cas question, et puis tu as un système d'hypothèse, donc on voit bien qu'il est très nourrissant par rapport à l'intérêt et l'investigation et l'enquête. Et donc je trouve que la manière dont on s'est amené, c'est vraiment très solide. Et en même temps, je trouve que puisque le sujet, le mot-clé de Thalès est trame quand même, c'est le mot central, le concept central, du coup j'aimerais bien t'entendre sur c'est quoi les définitions à disposition aujourd'hui dans le monde de l'architecture du concept de trame, et qu'est-ce qui t'a satisfait dans les définitions à disposition, et surtout, c'est quand même une thèse pour amener une nouvelle définition, à qui tu vas faire un pied de nez, en disant ta définition est bien, mais j'ai entendu une idée là, dans le monde scientifique et d'exposition. Et puis je vais plus loin encore, parce que je trouve que finalement ta position de thèse, elle est très emblématique de certaines choses dont on a déjà discuté, d'ailleurs ensemble aussi, mais en disant mais c'est quoi une thèse en architecture? Alors je ne sais pas non plus exactement si c'est une thèse d'architecture, une thèse qui utilise les méthodes de l'histoire, une thèse en histoire pour l'architecture, ou une thèse d'histoire à propos de l'architecture. Ça, c'est peut-être une réponse que tu auras à l'autre instant, que tu n'as plus nettement à l'autre instant. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous montres finalement un dispositif qui laisse penser qu'il y a dans la trame une surdétermination des sociétés humaines, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif global qui échappe à la volonté des humains, qui est co-construit de plein de manières différentes qu'on ne maîtrise pas tout à fait, et qui s'impose avec des effets de longues vagues qui donnent du sens à quelque chose qui, par ailleurs, on refabrique du sens par le projet architectural, mais qui est surdéterminé. Donc, en gros, tu n'es pas très très loin de la conception de la trame historique marxiste ou post-marxiste. Donc, comment on vit avec les idées holistiques, c'est qui disent que les sociétés sont surdéterminées, et en même temps, tu nous donnes un exemple, et celui-ci est très intéressant, en disant qu'il y a plein de manières de concevoir de manière idiosyncrasique, donc si on pose l'homothétique d'un côté et idiosyncrasique de l'autre, ben toi tu nous dis, mais oui, il y a la trame contre-démonstrative finalement, qui n'est pas de la surdétermination, mais qui est de la redétermination en permanence par la personne. Et moi j'aimerais bien t'entendre, peut-être c'est peut-être un peu tôt, parce que quand même, il y a des démonstrations. Je trouve ça très intéressant comme manière de présenter la tension qu'il y a sur la recherche d'architecture, qui est vraiment qui devra choisir son camp, entre guillemets, parce que c'est pas la même façon, plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre. Parce que si on fait, on essaie de faire la démonstration dans les deux sens en même temps, c'est que ce serait dangereux. Alors, donc, de rien, je vais essayer de répondre à ces questions qui sont celles que je me pose depuis le début et avec lesquelles nous avons de nombreux échanges avec ma directrice de thèse. Tout d'abord, pour essayer de répondre à la première question quant aux définitions des trames, il est vrai que la trame est un outil qui est mobilisé énormément par les architectes et même à leur insu, en fait, comme mode de composition de l'architecture, ça nous l'avons dit, mais au cours des lectures que j'ai pu faire, en tout cas d'ouvrages qui définissent la trame de manière assez exhaustive, j'ai relevé très peu finalement d'ouvrages qui parlent de cet outil conceptuel en tant que tel et de ses nuances, de ses complexités. Et c'est un petit peu ça en fait qui a amené ce sujet thèse. Comment est-il possible qu'un outil qui soit aussi mobilisé par les architectes supporte si peu, entre guillemets, j'essaie de rester prudente, mais de publication. Et en fait, pour formuler la définition qui est la mienne aujourd'hui, de trame qui dépasse la grille et qui aborde véritablement le système capable d'aller de la composition à la construction, je m'appuie sur un ouvrage de Jean Zeitoun, dont j'ai parlé, et qui en fait, dès le titre, pose ce problème-là, puisqu'il s'appelle « Trame plane, introduction à une étude architecturale des trames ». Et en fait, lui-même, dans son ouvrage, dit qu'il s'arrêtera pour des questions de pensée, de théorie, etc., ou de purement pragmatique de son avancée de réflexion, sur des trames qui sont planaires, sur des trames qui sont en deux dimensions. Ou en tout cas, dans ce qu'il explicite vraiment, il va s'arrêter à cette définition des trames, et il dit lui-même qu'il serait nécessaire d'aller au-delà, et de questionner le volume avec les trames, de questionner l'espace, chose qu'il ne fera pas avec cet ouvrage. Et donc en fait, ce livre qui a été publié dans les années 70 trouve peu de relais en fait dans les recherches que j'ai pu faire et peu de publications qui vont dans ce sens-là en fait, qui serait la suite de cet ouvrage-là, qui parle des trames et qui s'arrête à cette considération planaire. Donc c'est en ça que j'essaie d'amener une connaissance à travers ce sujet de thèse. Et après, par rapport au fait que est-ce que c'est une thèse en architecture, en histoire, un petit peu des deux? Alors, purement scientifiquement parlant, c'est une thèse en architecture, mais qui utilise la méthode de l'histoire, en fait, qui me permet, par l'histoire, de re-questionner les fondamentaux de la conception en architecture, que je vais chercher jusque dans les années 70, mais qui mobilise les outils de l'architecte, moi, pour analyser, c'est-à-dire qui font que je suis capable de lire des plans, de lire des coupes, de les redessiner, et d'en faire, je l'espère pour cette thèse, un corpus d'annexes où je m'empare de ce matériau et où je suis capable en tant qu'architecte de le lire, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas d'historien de l'art, ou en tout cas que je mette en avant cette capacité en tant qu'architecte à utiliser les documents graphiques en fait, pour comprendre ce processus-là. Donc c'est une thèse en architecture qui utilise la mémoire comme méthode grâce aux outils de l'architecte. Si je peux essayer de résumer. D'autres questions? Forcément, c'est sur la maison à la Réunion. Et je voulais savoir si, enfin, c'est encore une bonne question peut-être super naïve, mais il reprend du coup la maison créole pour la systématiser, ou si c'est depuis ça qu'on voit ce genre de choses. Non, ouais, alors, donc en fait, à l'époque, il y a, comme tu dis, la production de maisons créoles, en fait, à l'île de la Réunion, mais qui à un moment a été dépassée, enfin, ça ne correspond plus aux attentes du marché, aux attentes de la population. Et donc c'est Maurice Thomy qui voit son industrie en train de décliner en fait, et sa production de maisons qui ne correspond plus aux attentes, qui se fait dépasser par d'autres constructeurs immobiliers de cette période-là. et qui connaît Fabien Vienne et ses systèmes, et qui se dit qu'en fait, l'architecte, par sa création, par son ingéniosité de la géométrie, va être capable de réactualiser son modèle de maison et d'aller plus loin, et donc de l'industrialiser, mais dans une industrialisation, on va dire, réussie. Et donc, en fait, le gros problème à l'époque, c'est notamment que les ouvriers partent donc, sur site avec une quantité de bois en fait pour construire une maison, mais il est très difficile, notamment du fait du contexte, de maîtriser le temps, puisqu'une fois qu'ils sont partis dans les hauteurs de la Réunion, il est très difficile d'aller chercher les ouvriers, de les ramener à l'usine, etc. Et il est très difficile de maîtriser la quantité de bois en fait, de quantifier tout ça, et donc il y a des pertes économiques énormes dans cette production, puisque les ouvriers se mettent notamment du bois dans la poche pour construire leur propre maison. Et donc en fait, oui, là le but c'est de rationaliser ça pour arriver à maîtriser les coûts avec des maisons. On voit, enfin là on voit une partie des cadrans qui partent en kit, c'est-à-dire qu'une fois que les ouvriers sont partis avec ce kit-là, tout est fourni avec ça, et ça permet de maîtriser les coûts, les stocks et les ouvriers qui sont censés monter tout ça en un certain temps donné suivant le projet et revenir à l'industrie. Donc oui, ça part d'une base morphologique sur la case créole, puisqu'il n'est pas non plus question de faire une architecture qui soit complètement dénaturante pour le paysage et qui soit plus du tout vernaculaire, mais de l'actualiser par son processus de production et sa maîtrise du chantier en fait, de maison en kit. Trois hypothèses, c'est beaucoup pour une thèse. Ben, je sais pas, en avoir une déjà, c'est bien. Oui. Et trois, wow. Alors en fait, je pense que là, je le formule en tant qu'hypothèse entière. Vous avez raison, ça fait beaucoup. C'est plutôt un raisonnement qui m'a amené au suivant, qui m'a amené au dernier, en fait. Plutôt que peut-être d'une hypothèse générale, il en découle trois hypothèses bien isolées et définies, c'est plutôt le fait d'avoir questionné ça par la construction qui m'a amené à penser l'espace et donc le système. Donc effectivement, c'est peut-être l'hypothèse C qui reste en fait la dernière qui permet d'avoir l'entrée dans le sujet en prenant conscience qu'il y a des notions constructives et des notions de volume qui sont mises en place par ces architectes-là. Plus qu'effectivement, peut-être trois hypothèses, c'est la dernière qui est le cheminement juste intellectuel que j'ai dû faire pour arriver à celle-ci. Plutôt que trois, on est le même. Oui, ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça. Effectivement.